que l'homme ne le sépare pas. Enfant appelé Jeanne. Une vierge appelée Jeanne. Je reconnais l'habit de Dominique,

Je suis allée. À qui est-ce que tu parles ainsi? Es-tu sourd? N'entends-tu pas les voix qui disent Jeanne, Jeanne, Jeanne, fille de Dieu, va, va, va. Ce n'est plus sorcière maintenant qu'elles disent. C'est mon petit nom de chrétienne, celui que j'ai reçu au baptême. Jeanne, ce n'est plus hérétique et relapse et je ne sais quoi. Et tous ces vilains noms, ces filles de Dieu, c'est beau d'être la fille de Dieu. Pas expliquer l'épée. Mais pour que tu comprennes l'épée, frère tondu, il faudrait que tu sois une petite fille lorraine. Je peux pas faire de toi une petite fille lorraine. Je peux pas te prendre la main et t'amener avec nous pour chanter Trimazo avec Aubin et Rufine. Écoute ce qu'ils disent. As-tu compris, frère Dominique? Ah, moi, il n'y a pas eu besoin de coupe-couenne et tout mouillé pour me l'expliquer. C'est le tilleul, devant la maison de mon père, comme un grand prédicateur en surplis blanc dans le clair de lune, qui m'a tout expliqué. Explique. Et moi, j'écoute. Quand il fait bien froid en hiver, et que le froid et la gelée resserrent tout, et on dirait que tout est mort, et les gens sont morts de froid, et il y a de la neige et de la glace sur tout, comme un drap. Comme une cuirasse. Et on croit que tout est mort et que tout est fini. Mais il y a l'espérance qui

J'ai cassé! J'ai rompu! Dieu qui est le plus fort.